Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Sugar Daddy, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Leslie Menahem, réalisée par Sophie Haute-Picon. À sa sortie en 2013, le film « Jeune et jolie » de François Ozon avait déclenché une vraie polémique. Ce film dressait le portrait d'une jeune étudiante qui se prostituait. Le 23 octobre 2017, un panneau publicitaire mobile un peu spécial, attaché à une voiture, circulait dans Paris. Là, nous ne sommes plus dans un film, mais dans la réalité. Cette voiture, stationnée par intermittence, à proximité des universités et des grandes écoles. Et on pouvait lire sur la publicité pour un site de rencontre sur Internet ce message. Et les étudiants, ou étudiantes, avec un E entre parenthèses, ça s'adressait à la fois aux filles et aux garçons. Vous voulez du romantique, de la passion et pas de prêt étudiant à demander, sortez avec un sugar daddy ou une sugar mama. Voilà. Depuis quelques années, des sugar daddies ou sugar mama, papa et maman sucrés si vous voulez une traduction littérale, proposent d'aider financièrement des jeunes moyennant de la disponibilité et la plupart du temps quelques faveurs sexuelles. Sous couvert d'une communication attrayante, les nombreux sites facilitent la multiplication de ces rencontres tarifées, camouflant ainsi la prostitution de ces jeunes étudiantes ou étudiants. Cette pratique prend de plus en plus d'ampleur à travers le monde, aux USA, en Grande-Bretagne, en Belgique, et rien qu'en France, plus de 40 000 jeunes se seraient inscrits sur l'un de ces sites. Plusieurs critiques et plaintes ont été déposées par des associations contre le proxénétisme, comme le ACP et la mairie de Paris. Le 26 octobre, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour proxénétisme aggravé contre le site internet responsable de cette publicité. La fiction d'aujourd'hui s'inspire de ces faits réels. Pourquoi et comment certaines étudiantes et certains étudiants se prostituent-ils? Dans cette fiction, Manon, 20 ans, étudiante à Sciences Po Paris, vit dans une petite chambre de bonne et travaille dans un fast-food pour pouvoir financer ses études. Et lorsqu'elle se fait virer du jour au lendemain et qu'un joli camion blanc vient faire de la publicité devant l'université proposant un nouveau genre de job étudiant, eh bien, Manon envisage peut-être d'essayer. Après la fiction, pour nous aider à comprendre ces dérives, nous recevrons Nadia Lebrun, journaliste et écrivain qui a enquêté sur cette nouvelle forme de prostitution. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Sugar Daddy, de Leslie Menahem. Il y a un joli camion garé dans ma rue. Je le regarde par la petite lucarne de ma chambre de bonne. Je suis fascinée, attirée. Le camion est grand, massif et blanc, d'un blanc immaculé. Aucune inscription, aucune tache. Le camion est tout en sucre. Une musique douce me parvient, m'attirant vers lui. Je me sens comme magnétisée. La porte arrière s'ouvre toute seule. Je rentre. À l'intérieur, la musique est plus forte. Il y a des sucreries à foison. Bonbons, pommes d'amour, fraises tagada, tragibus, barba papa. Je mange, je me délecte, je me lèche les doigts, je dévore le volant, les sièges, les fenêtres, le rétroviseur. Je suis Hansel et Gretel. J'ai tellement faim que je me gave jusqu'à l'écœurement. Tout à coup, je sens une présence derrière moi. Un homme apparaît. Il a les cheveux blancs, d'un blanc aussi immaculé que celui du camion, que celui du sucre glace qui recouvre ses murs. L'homme a trois fois mon âge. Il est élégant, très bien habillé. Il me dit de ne pas avoir peur, de manger à ma faim, de manger tout ce qui me fera plaisir. Puis il me propose une danse, galamment, mais avec autorité. J'accepte. Je ne sais pas pourquoi j'accepte. L'homme me tend sa main, m'attrape par la taille, me fait tourner. Doucement d'abord, puis de plus en plus vite. Je me laisse emporter. Mais je me rends vite compte que mes mains collent aux siennes. J'ai mangé trop de sucre. Je m'en suis mis partout. Je colle. J'essaie d'articuler mes doigts, de décoller mes mains des siennes, mon torse du sien, mais je ne peux pas. Mon corps est attaché au sien, englué. Le sucre colle de partout. Impossible de me défaire de son étreinte, il rit. Je suis l'araignée prise dans ses filets. Il rit de plus belle. Et je suis écœurée. Et je colle. Et je veux crier, mais ma bouche colle elle aussi. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Je n'arrive pas à parler. C'est toujours là que je me réveille en sursaut. Je fais ce rêve souvent. Hé Manon, qu'est-ce que tu fais? Attends-moi. Non, il faut que je file là, je vais être en retard. Qu'est-ce que tu fais? Mais je dois travailler. Ah, tu vas bosser sur ton dossier? Moi, j'arrive pas à trouver un bon sujet. J'ai toujours pas commencé. Moi non plus. Non, là, je pars au travail, j'ai un job dans un fast-food. Ah bon? Mais tu bosses où? Et quand? Bah, le soir, le week-end. Chez McDonald's. Tu bosses au McDo? Mais comment tu fais? Je dors pas beaucoup. J'étudie, je travaille, Et tes parents peuvent pas t'aider? Mais j'ai pas de père et ma mère vit seule, alors... Attends, c'est quoi ce truc? Et les étudiantes, romance, passion et pas de pré-étudiant, sortez avec un sugar daddy ou une sugar mama. Et ben voilà Manon, si c'est pas un message divin ça, tu l'as ta solution. Mais quelle solution, je comprends pas. Prends-toi un sugar daddy. Mais c'est quoi un sugar daddy? Un papa sucré. Oui, mais je parle anglais, merci. Mais ça consiste en quoi? Non, mais sérieux, tu connais pas? Non. Ah merde, il est 19h. Bon, écoute, je vais vraiment être en retard, là, je file. Ok, on se voit demain, Manon. Bon courage. Manon, fais gaffe, t'as fait tomber un cheveu dans la friteuse. T'as pas mis ton filet. Ah, salut, Samir. Ah non, j'ai oublié. J'ai mis ma casquette, mais le filet sur les cheveux, j'ai oublié. Mais t'es dans la lune, toi. Je rêvais, excuse-moi. C'est pas grave, moi je dis ça pour le responsable, hein. Tu sais comment il est. Manon, c'est à cette heure-là que t'arrives? Désolée, j'étais en cours et l'examen il a duré plus longtemps que prévu. On est débordé là, tu peux pas te permettre d'arriver en retard. Je suis vraiment désolée. Allez, tu me balances les frites dans la friteuse là, active-toi. Je m'en occupe. Samir, ils en sont où les nuggets? Ça arrive. Allez, dépêchez-vous là, bande de dégonflés. Oui, chef. Je sens une pointe d'ironie chez vous, Samir et Manon. Depuis quand vous m'appelez chef? Il y a quelque chose qui ne vous convient pas? Tout nous convient très bien, chef. Pourquoi tu m'appelles chef, Manon? Il y a un problème? Vous êtes bien mon chef, non? Alors je vous appelle chef. Ça y est. Madame étudie à Sciences Po en première année, alors madame se permet de mépriser les gens autour d'elle, c'est ça? Je n'ai pas du tout dit ça. Tu te prends pour qui? Pour personne. Attends, je rêve ou t'as gardé ta bague, là? Je... Tu sais bien que c'est interdit de garder ses bijoux pour l'hygiène du restaurant. Pardon, j'ai vraiment oublié, j'avais trop de choses en tête et... Mais putain, je fais quoi si j'ai un contrôle, moi? Je me fais virer direct. Non, là, Manon, ça va trop loin. T'arrives en retard, t'oublies d'enlever tes bijoux... Et puis, de toute façon, je vois bien que t'es plus dedans depuis quelque temps. Je suis juste fatiguée en ce moment, c'est tout. Tu dégages, Manon. Je m'excuse. Je vous en prie, j'ai vraiment besoin de ce boulot. Elle a pas fait exprès pour les bijoux. Allez, c'est pas grave. S'il vous plaît, donnez-lui une chance. Toi, tu te mêles pas de ça si tu tiens à garder ton job. Il y a plein d'autres jeunes qui sont prêts à bosser comme vous. Je manque pas de candidats. Maintenant, tu me rends ton tablier. Tu t'en vas, c'est comme ça. Vous êtes sérieux? Très sérieux. Bien. Comme vous voudrez. Chef. Vous avez 3 nouveaux messages. Aujourd'hui, à 19h32. Oui, bonjour ma chérie. J'espère que tu vas bien et que t'as pas trop froid dans ta petite chambre à Paris. Bah, si. Ici, nous avons eu un beau soleil aujourd'hui. Écoute, je crois que ça va être difficile de venir te voir pour Noël. Je sais qu'on a encore le temps de s'organiser, mais j'ai tous les frais annuels qui viennent de tomber, plus les impôts, je m'en sors pas. Les billets de train ont beaucoup augmenté, ça me paraît compliqué. Mais rappelle-moi pour qu'on en parle. Hein? J'espère que tu étudies bien et que ton job te plaît toujours. Je t'embrasse bien fort, ma chérie, rappelle-moi. Aujourd'hui, à 20h46... Ouais, salut Manon, c'est Sarah. Mmh. Écoute, je bloque sur le dossier là. Tu t'en sors toi? On pourrait peut-être faire un exposé ensemble à la place, si ça te dit. Rappelle-moi. Oh, trop bonne idée. Aujourd'hui à 0h01. Salut Manon, c'est Samir. Je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé tout à l'heure au McDo. C'est vraiment un connard ce responsable. Si tu veux qu'on prenne un verre pour en parler, je sais qu'il est tard, mais bon, tu peux me rappeler quand tu veux. J'espère que ça va. Fin des nouveaux messages. Je suis devant mon écran, dans ma chambre de bonne. Mes cheveux sentent la friture. Ils sont gras. Il faut que je travaille sur mon dossier. Il le faut. Mais je n'arrive pas à me concentrer. Alors je vais sur ma boîte mail. Je vais sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Je vais sur le site de la SNCF pour regarder les billets de train. Je vois défiler des publicités pour de beaux sacs, pour des chaussures, pour des fringues. Je rêve de faire des commandes à n'en plus finir. Je rêve de tout acheter. Je suis éblouie par toutes ces images, toutes ces informations. Trop cher. Tout est trop cher. J'ai faim. Je balaie mon placard du regard. Il ne me reste plus que des céréales. Je me prépare un bol de miel Pops, sans lait, parce que je n'en ai plus. Ça croustille sous les dents. Ça colle. J'aime plus trop ça. C'est trop sucré, les miel Pops. Puis soudain, je me souviens. Le sucre. Papa sucré. Je tape Sugar Daddy sur Google. Et je cite Zola qui parle lui-même de son roman Nana. Le sujet de Nana est celui-ci. Toute une société se ruant sur le cul. Une meute derrière une chienne qui n'est pas en chaleur et qui se moque des chiens qui la suivent. Le poème des désirs du mal, le grand levier qui remue le monde. Pour ceux qui avaient lu la Sommoire, souvenez-vous. Toujours au cul. Nana, peu importe la fille les époques. De Gervaise et de Coupeau, elle ne reçoit pas d'éducation de la part de ses parents alcooliques. T'en es où dans ton dossier? Mais très vite, j'arrive pas à avancer. J'étais virée hier soir. Et je sais pas comment je vais payer le loyer ce mois-ci. Et du sexe, ah mince, Manon. Dans ce roman, et avec ce personnage de courtisane, Zola a peint à la fois la corruption d'une femme, de la société où elle recrute ses amants, et d'un régime politique, le Second Empire, qui se rue avec insouciance vers la guerre et la débâcle. Sexualité, histoire et mythe vivent et meurent ensemble dans un même souffle brutal. Je suis un peu gênée de te demander ça. Pour ceux qui n'ont pas le courage de lire le roman entier, est-ce que tu crois que tu pourrais me prêter un peu de sous? Je vous invite à lire juste au moins pour boucler la fin du mois. Où Nana joue je te rembourserai dès que j'aurai trouvé un autre job, bien sûr. Ah non, Manon, je suis désolée. Je peux pas me permettre de te prêter de l'argent, là. Mes parents m'aident un peu, mais je suis pas Crésus non plus. Non, je comprends. T'en fais pas. Nana, mais peut-être que tu pourrais demander une bourse. Mais c'est déjà le cas. Elle était nue avec une je touche 150 euros par mois, mais ça suffit pas. Surtout à Paris. Une simple gaz, et la CAF, c'est 100 euros par mois, à peine. Dont les pointes roses se bon, en tout cas, on pourrait travailler ensemble si tu veux. Le prof a dit qu'on avait le choix entre un dossier ou un exposé, finalement. Ça pourrait nous faire gagner un peu de temps. Ouais, pourquoi pas. Manon, Sarah, ça vous intéresse ce que raconte Zola? Absolument, monsieur. Le sexe et le pouvoir sont intimement liés. Et certaines courtisanes, comme Nana, ont su se servir de leurs atouts pour créer leur réussite. On peut dire qu'aujourd'hui, rien n'a changé. Oui, peu de choses ont changé, en effet. Mais la réussite est aléatoire. Et toi, Manon, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, monsieur, je n'écoutais pas. Tu n'écoutais pas? Non. Veuillez m'excuser, je ne me sens pas très bien. Je vais sortir. Alors, comment tu vas? Ouais, ça va, hein. Je sens la frite, comme d'hab. Non, c'est plutôt moi qui devrais te demander des nouvelles, hein. Ça va. T'es sûr? T'as une petite voix, là, hein. Non, ça va. Et du coup, tu cherches un nouveau job? Ouais. Va falloir que je m'y mette, hein. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Du babysitting? J'aime pas les enfants. Quelques heures de ménage? Ça va pas? Trop dur, trop mal payé. Quelques heures de cours de maths à donner. Je suis nulle en maths. Mais je sais pas, moi, un boulot dans une sandwicherie. Oh non, fini les fast-foods. Alors, quelques heures dans une boutique de prêt-à-porter. T'aimes bien les fringues, non? Ouais, pourquoi pas. Je sais pas. Eh, Manon, t'inquiète pas. Tu vas trouver, d'accord? Ouais. Bah allez, je vais te laisser, Samir. Attends, Manon. Allô, Manon. Mmh. On pourrait aller prendre un verre, par exemple. Enfin, se voir. Je pense que c'est pas le moment, Samir. Désolé. Mmh. Mais j'apprécie, hein. Plus tard, peut-être? Ouais, d'accord. Quand tu veux. Quand tu veux. Je suis à nouveau devant l'écran de mon ordinateur. J'ai chaud. Je sens mon cœur battre dans mes tempes. Je prends quelques profondes inspirations. Un jeu. Il ne s'agit que d'un jeu. Juste un jeu. Ça peut être amusant d'essayer. Juste pour voir. Remplir des cases. Écrire des messages à des inconnus. Ça peut être romanesque, divertissant, rafraîchissant. C'est facile. Il suffit juste de cliquer. Okay. J'ouvre 3 pages Google. J'hésite entre 3 sites. Rich, Meet Beautiful, Seeking Arrangement, SugarDaddy.fr. 3 noms de sites qui me font sourire. Rich, Rencontre Belle. Cherche en arrangement papasucre.fr. L'anglais a l'art d'embellir la réalité. J'en choisis un au hasard. Profil. On me demande de créer mon profil. Mon cœur s'emballe. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est rien. Un profil. Je vais créer un profil. Ça ne sera donc pas moi. Ça peut être amusant, non? En quelques clics, je décide donc de m'appeler Mowgli. En hommage au livre de la jungle et au surnom donné par ma mère à l'enfant sauvage que j'étais. D'avoir 21 ans, mon âge réel, d'avoir une silhouette fine, d'être d'origine caucasienne et de ne fumer qu'occasionnellement, en soirée. Je vois défiler les profils masculins. Carpe diem. Titou, 11-21. Richman, 22. Gentleman, 143. Revenu annuel, 200 000, 400 000, 1 million d'euros. Les multiples zéros défilent sous mes yeux. Un onglet me demande combien je demanderais pour une rencontre dite tarifée. Un autre onglet me propose une liste de cadeaux à cocher, une wish list. Parfums, sous-vêtements, robes, chaussures à talons. C'est Noël avant l'heure. Mon profil est créé, mes souhaits formulés. Je ferme l'écran de mon ordinateur. Je m'endors avec des chiffres plein la tête. Je ne sens plus mon cœur s'agiter sous mes tempes. J'ai comme l'impression qu'il s'est arrêté de battre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donc laisser la parole à celles et ceux qui ont préféré faire un exposé plutôt que de me rendre un dossier. Je rappelle qu'il est essentiel pour vous, lors de ces 3 premières années à Sciences Politiques, de bien savoir vous exprimer en public, d'être à l'aise lorsque vous prenez la parole devant une assemblée. Donc, l'exposé est un excellent exercice. Sarah, c'est à toi. Oui. Merci, monsieur. Et d'ailleurs, vous ne deviez pas faire l'exposé à deux avec Manon ? Si, mais finalement, je le fais seule. Bon, donc, nous t'écoutons. Alors, comme le sujet de l'exposé était libre du moment qu'il traitait d'actualité et des dérives liées à Internet, j'ai souhaité travailler sur le cas d'Alexandra Kefren, qui est connue pour avoir vendu sa virginité aux enchères sur Internet il y a quelques mois. Silence ! Sarah, c'est très intéressant comme sujet. Poursuis. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Alexandra Kefren est une jeune fille de 18 ans qui a vendu sa virginité aux enchères via le site allemand Cinderella Escort en avril 2017 pour la modique somme de 2,3 millions d'euros. C'est un riche milliardaire chinois dont l'identité n'a pas été dévoilée qui a remporté les enchères. Depuis cet événement qui a été très médiatisé, de nombreuses jeunes filles se sont inscrites sur le site pour mettre leur virginité aux enchères. Le site compte aujourd'hui près de 400 candidates. J'avais effectivement vaguement entendu parler de cette histoire, mais quelles sont les modalités d'inscription de ces jeunes filles ? Ça vous intéresse particulièrement, monsieur ? Pas dans le sens que vous pensez, jeune homme. Non, je vous rassure. Alors oui, ces jeunes filles sont toutes majeures et elles s'inscrivent sur le site en connaissance de cause. Jan Zakobielski, le jeune créateur de Cinderella Escorts, se réjouit du montant record de la transaction et de la publicité sur son petit business de vierge. Il prend 20% sur les enchères. Oh, mais c'est immoral. Oui, c'est peut-être immoral, mais légal. Je poursuis. Mais attends, qu'est-ce qui prouve que les jeunes filles sont vierges ? Zakobielski les accompagne faire un test médical pour prouver leur virginité. Il leur fait même un test psychologique pour être bien sûr qu'elles ne reviendront pas sur leur décision. Après, quand on écoute Alexandra Kefren parler de ses motivations, elle dit, je cite, « J'y ai pensé la première fois à 15 ans quand j'ai vu le film « Proposition indécente ». Dans le film, une épouse accepte 1 million de dollars pour passer la nuit avec un millionnaire. D'autres filles donnent leur première fois à leurs copains qui les quitteront peut-être plus tard. Donc Alexandra a donc considéré que sa virginité était un placement, comme un autre, pour son avenir. C'est n'importe quoi, ça peut pas être légal. Si, c'est légal. Après, c'est du côté du proxénétisme que ça l'est peut-être moins, puisque Zakobielski se fait quand même de l'argent sur le dos de ses jeunes filles. Et de ces messieurs. Depuis l'affaire Alexandra Kefren, qui a été très médiatisée, plus de 400 jeunes filles sont donc en attente de pouvoir vendre leur virginité grâce au site. L'effet de mode a fonctionné. Elles ont entre 18 et 23 ans et postent des vidéos dans lesquelles elles parlent de rêves. Elles rêvent de pouvoir se payer des études au sein de grandes universités américaines, de pouvoir acheter une maison à leurs parents ou encore de verser une partie de la somme gagnée à des associations caritatives. Et si c'était un acte féministe ? Manon ? Tu étais là. Par où es-tu rentrée ? Et si vendre sa virginité pour de l'argent était justement un acte courageux ? Une prise de pouvoir de la femme sur la société de consommation ? Mais tu peux pas dire ça. N'est-on pas maître de son propre corps ? Si, mais enfin... Je ne fais que prendre part au débat. N'est-on pas formé à la controverse au sein de nos études à sciences politiques ? Si, absolument. Donc, je pose la question à toute la classe, et je dis bien c'est une question. N'est-ce pas un moyen comme un autre d'essayer de s'en sortir dans la vie ? Et puis la première fois, c'est souvent nul de toute façon. Alors autant que ça serve. Manon ? Manon ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'as disparu comme ça pendant plusieurs jours ? Et c'est quoi cette réaction sur mon exposé, là ? On devait faire le sujet ensemble, je te rappelle. Et là, t'arrives comme une fleur en plein milieu, juste pour te faire remarquer ? Mais j'ai pas fait ça pour me faire remarquer. Je pense juste qu'on peut pas juger les filles qui prennent cette décision et qu'elles peuvent bien faire ce qu'elles veulent de leur corps, il leur appartient. Mais j'ai jamais dit le contraire. Pourquoi t'as pris ce sujet ? Pour rien. C'est le camion de l'autre jour qui m'a donné l'idée. Du coup, j'ai fait des recherches et voilà, je suis tombée là-dessus. Ok. Et comme tu donnais plus de nouvelles, ben, j'ai décidé de faire l'exposé toute seule. D'accord. Mais qu'est-ce qui va pas, Manon ? Pourquoi t'étais pas là ces derniers jours ? Ça s'arrange, ces problèmes d'argent ? Oui, oui, c'est en train de se régler. Tu sais, je peux peut-être te prêter de l'argent si tu veux, temporairement. Mes parents peuvent m'aider si vraiment t'es dans le besoin. Merci Sarah, j'apprécie. Mais je me suis toujours débrouillée toute seule. Mais l'autre jour tu... Non, c'est bon, j'ai trouvé un nouveau boulot. T'inquiète pas, je me débrouille. Allez, ciao. Ciao. Il fait nuit. Et comme les nuits précédentes, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Mon corps agité cherche une position adéquate pour dormir. Mais les pensées noires m'obsèdent, m'assaillent. 3 jours. Il me reste 3 jours pour payer mon loyer. J'ai envoyé plusieurs CV dans 3 boutiques de prêt-à-porter, 2 restaurants, 1 bar. Je n'ai reçu qu'une seule réponse, négative. On demande quelqu'un d'expérimenté dans la boutique. Quelqu'un doté d'un BTS vente au moins. J'ouvre mon ordinateur. Je me connecte sur papasucre.fr. Mowgli a déjà reçu 50 de messages. Elle a l'embarras du choix. Des messages enflammés lui proposent de l'emmener faire des tours dans la jungle, de l'attacher avec des lianes. D'autres lui proposent des face-à-face avec des lions, des tigres et autres mâles dominants. Mowgli répond. Mowgli n'est pas intéressée par les métaphores. Elle ne cherche pas la jungle, mais les euros. Mowgli doit payer son loyer. Mowgli est fatiguée d'avoir les cheveux sales et en pagaille. j'ai pris ma décision. Je n'en rencontrerai qu'un. Une fois ou deux. Juste histoire de payer mon loyer. De me relever. De trouver une autre solution. Et puis il s'agit de rencontres tarifées, pas de prostitution. Certains ne cherchent peut-être que de la compagnie, de la douceur. C'est moi qui choisis. Je prends rendez-vous pour le lendemain à minuit. Nous convenons que nous ne nous parlerons pas avant, ni après. Il viendra devant ma porte, et il toquera trois fois. La nuit, tous les fantasmes sont permis. Et ça se passera ici. Samir, pourquoi t'as voulu qu'on se retrouve ici? C'est rigolo les parcs d'attractions, non? Ouais, ouais, c'est vrai. C'est régressif, quoi. Ça me donne envie de manger une barbe à papa, tiens. Ah, tu vois que ça te plaît ici? Une bleue, une rose, une verte? M'en fiche, ça a le même goût. Une barbe à papa, s'il vous plaît, pour mademoiselle. Tenez, zéro. Merci. Merci. Merci. Je vais me régaler. Je suis content de te voir. Moi aussi. Sans mes cheveux. Hein? Sans mes cheveux. Mais pourquoi? Allez, sans mes cheveux, vas-y. Voilà, t'es content? T'as vu? Il sent plus le graillon. Hein? Ah, c'est vrai. Sans les encore. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend? Fini les frites, fini les burgers. Oh, tu as démissionné. T'es parti. Eh ouais. Oh, félicitations. Merci. Sans mes cheveux encore? T'es bête. T'es belle. Fais voir que je sens tes cheveux aussi. Tu sens le sucre? Ah bah, oui. Forcément avec la barbe à papa. Tu sais, j'ai démissionné le lendemain de ton départ. Ah bon? Ouais. Je pouvais plus le regarder en face, ce connard de responsable. Et figure-toi que j'ai trouvé un super boulot et qu'il paye plutôt bien. Je commence demain. Ah ouais? C'est quoi? C'est ici. Au parc d'attractions. Je vais faire le type qui fait peur dans le train fantôme. Non, tu rigoles. Si, si, je te jure. C'est celui qui te surprend par derrière quand tu t'y attends pas. Voilà. C'est bien payé parce qu'il paraît qu'on prend des claques souvent. Oh. Écoute, Manon, je peux t'aider si t'as besoin. Je sais que t'as des petits soucis financiers. J'ai des sous de côté. Je peux vraiment t'aider. Merci, Samir. Mais je préfère me débrouiller toute seule. Non, non, mais tu me rembourseras. C'est juste pour dépanner le temps qu'il faudra. Non, merci, mais c'est pas la peine. Moi aussi, j'ai trouvé un nouveau boulot. Je commence demain. Tout va bien? Ah ouais? Félicitations, c'est super. Et c'est quoi? C'est un travail dans le prêt-à-porter. T'avais raison, je suis faite pour la mode. Tu vois? Bah d'ailleurs, je dois pas traîner. Il faut que j'aille rencontrer la responsable pour signer mon contrat. Déjà? Ouais. Ok, d'accord. On se voit bientôt, promis. Et ce soir, qu'est-ce que tu fais? Ce soir, je me couche tôt. Et je peux pas venir toquer chez toi? Ah non. On se voit bientôt. Ouais. Ok. C'est une nuit noire. Une nuit sans lune. Je regarde la rue en bas par la petite lucarne de ma chambre de bonne. On dirait qu'il y a une coupure de courant dans le quartier. Seules les quelques fenêtres de l'immeuble d'en face apportent un peu de lumière. C'est calme. Il sera minuit dans quelques instants. J'ai un peu froid. Je sens encore l'odeur de Samir sur ma peau. Une odeur fraîche de musc et de fleurs d'oranger. Et s'il décidait quand même de venir sans crier gare? J'attends. Je m'approche du miroir. Dans son reflet, Mowgli me sourit. Elle a enfilé sa plus belle robe. Celle qui lui donne de l'assurance. Celle qui fait chic et sauvageonne à la fois. Mowgli est déterminée. Elle me donne du courage. Bientôt, quelqu'un toquera à ma porte. C'était Sugar Daddy de Leslie Menahem. Avec Alizée Soudet, Florence Janas, Sofiane Kames, Jean-Charles Delhomme, Marie-Charlotte Biais, Olivier Ruidavet. Et les voix d'Alexandra Flandrin, Ariane Brousse et Valentin Capron. Bruitage, Sophie Bissantz. Prise de son, montage, mixage, Marie Le Peintre, Émilie Couette et Sofiane Actib. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Sophie-Aude Picon. Affaire sensible, la fiction. France Inter. Un camion a tenté une nouvelle fois ce matin de circuler dans Paris faisant la publicité de ce site Sugar Daddy. Son chauffeur a été arrêté, entendu, le véhicule saisi. Ce site internet se présente comme un site de rencontre sans tarif, mais l'affiche, elle, propose pas de prêt. Étudiants, sortez avec un Sugar Daddy. La notion de rémunération est plus que sous-entendue. La mairie de Paris, une université, une association étudiante ont porté plainte. Plainte aussi de l'association Équipe d'Action contre le Proxénétisme qui a ce site internet dans son viseur depuis longtemps et se réjouit d'être enfin rejointe dans son combat. Son avocat, Maître maître Philippe Mélac. Il y a une plainte qui avait été déposée par l'association en 2014, qui n'avait pas abouti, ou si ce n'est un classement. Depuis, de nombreuses démarches ont été engagées par l'association auprès du ministre de l'Intérieur, auprès de différents organismes. Chaque fois, on a eu le sentiment de se heurter à une certaine inertie. Ce type de structure, tant malheureusement, des jeunes femmes en situation économique difficile, trouvent là un moyen pour pouvoir réaliser leurs études, mais à quel prix ? À quel prix ? Et on en voit des exemples comme ça, on en voit beaucoup. Elles tombent, sans s'en rendre compte, vers des heures plus difficiles. Un camion tractant la même affiche pour le même site controversé a déjà fait polémique à Bruxelles fin septembre. Le parquet de Bruxelles a aussi ouvert une enquête, mais seulement pour incitation à la débauche. France Inter, affaire sensible, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Sugar Daddy, notre invitée Nadia Lobrin, journaliste et écrivain, elle a enquêté sur cette nouvelle forme de prostitution. Bonjour Nadia Lobrin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et écrivain. Vous venez d'éditer chez Kero Les Nouvelles Courtisanes, ce livre que je tiens entre mes mains et qui est une enquête très engagée, complète sur les sugar babies, ces étudiantes qui se prostituent pour pouvoir payer leurs études d'abord. Étudiants, étudiantes, ça touche les garçons et les filles ? Ça touche les garçons et les filles, mais moi je me suis concentrée sur les filles. Et surtout, parce qu'en France, j'ai compté à peu près 40 000 étudiantes qui sont inscrites sur un site qui s'appelle Seeking Arrangement, le plus grand à l'international. Et en fait, elles ne sont pas toutes de brillantes étudiantes, elles ne sont pas toutes des étudiantes, parce que derrière le mot étudiante, il y a aussi jeune fille. Donc moi, j'ai décidé d'angler mon enquête et de me consacrer aux jeunes filles qui faisaient de brillantes études, c'est-à-dire qu'ils faisaient des études de droit, l'ESSEC, qui faisaient Sciences Po, l'ENA, pharmacie, médecine. Voilà. D'accord, je vous ai posé quand même la question, et si vous avez une réponse chiffrée, je veux bien. Oui. Tout de même, quelle proportion garçons et filles dans ces histoires-là ? Il y a beaucoup plus de filles, ça c'est sûr. Mais je ne peux pas vous donner le chiffre. Hein. D'accord, mais il y a plus de filles. Oui, d'accord. Bien sûr. Alors, comme Manon, l'étudiante de la fiction que vous venez d'entendre, oui. De nombreux étudiants, étudiantes ou jeunes, on va dire, sont aujourd'hui économiquement précaires, peinent à assurer financièrement leurs études, le prix des loyers, la nourriture, enfin la vie est chère. Certaines écoles pratiquent des tarifs d'inscription très élevés. Est-ce que vous ne pensez pas que le vrai coupable de cette histoire, il est là ? Mais bien sûr, le principal coupable, c'est les problèmes d'argent. Moi, ces jeunes filles que j'ai interviewées, qui ont passé des concours, qui ont réussi à rentrer dans ces grandes écoles, elles viennent de province, elles viennent d'un milieu défavorisé. Il faut savoir que leurs parents sont quadras ou quinquas et qu'ils subissent de plein fouet aussi la crise. Et donc, ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de ces jeunes filles. Mais il est vrai que le problème en France, c'est qu'il faut savoir qu'il y a 20% d'étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté. 48% des étudiants renoncent aux soins médicaux. Et à Paris, il y a 15 000 étudiants qui se privent de 6 repas par semaine, ce qui est quand même énorme. Quand j'ai interrogé le Secours Populaire et la Croix-Rouge, par exemple, ils n'ont jamais vu, ces dernières années, autant d'étudiants venir manger ou s'habiller. Autre question qui ne correspond peut-être pas tout à fait à l'angle de votre livre, je vous la pose quand même. On part à Sugar Daddies, donc des hommes. Oui. Sugar Mamies aussi. Des femmes. Oui. Pratique comme ça auprès de jeunes garçons. Oui, bien sûr, ça existe. Et puis aussi, vous avez aussi beaucoup de couples homosexuels, c'est-à-dire que des hommes entretiennent aussi des jeunes hommes. Alors, on parle bien de gens majeurs pour les jeunes. On n'est pas dans la pédophilie, non, on est dans autre chose. Non, pas du tout. C'est important de le dire quand même. Hein, oui, non, évidemment. Évidemment. En tout cas, oui. Ce sont des adultes. Ce sont des adultes consentants. Bien, alors ces publicités pour les Sugar Daddies sont dans... On va entrer après ensemble dans le site, vous allez me dire. Vous avez vous-même tant d'expérience, évidemment, et vous témoignerez. Mais enfin, tout ça c'est dans un flou juridique, hein, comme beaucoup de choses sur Internet, qui laisse le champ libre à tous ces sites de rencontres. Que peut la justice, que peuvent les pouvoirs publics ? Déjà, les pouvoirs publics ne font rien. Et pourquoi, à votre avis, parce qu'ils s'en fichent ? Ils ont pas les moyens. Oui, je pense que c'est la priorité vraisemblablement quand on voit encore ce qui se passe aujourd'hui pour les étudiants. Là, je suis en relation encore avec certains étudiants. Elle me disait que les bourses étaient arrivées avec 2 mois de retard. Donc bon, voilà, mais donc déjà c'est compliqué. Non, si vous voulez, effectivement, on ne peut rien faire parce que il y a un vide juridique qui entoure le web et ces proxénètes 2.0, on va les appeler, profitent de ça. Combien même ils vantent la prostitution, ils se décrivent comme seulement un site de relation, de mise en relation, pardon, entre des jeunes femmes qui sont dans le besoin et des hommes plus âgés. Donc jamais dans les conditions générales, jamais ils ne parlent de prostitution. Donc ils sont inattaquables. J'ai interrogé plusieurs associations qui avaient déposé plainte contre ce genre de site et malheureusement, en vain, elles ont perdu. Ils ne peuvent rien faire. Même ce camion, la mairie de Paris, essaie d'intervenir. Il ne se passera rien, je vous l'assure. Et dans la fac, René Descartes. Voilà, il ne se passera rien. Rien. On ne peut rien faire, ils sont inattaquables. Ils sont malins. Donc effectivement, vous les taxez de proxénètes, je parle des sites, hein, pas des clients, des sites, effectivement. Oui, donc là, dans la démarche, on est dans une démarche de proxénétisme. Bien sûr, mais bien sûr. Et on est dans une démarche de prostitution. Et de prostitution pour ce qui concerne ceux qui, c'est clair. Qui achètent ce service. Malheureusement, il faut parler comme ça, c'est la marchandisation du corps. Oui. On y est là aussi. Vous avez pu écrire votre livre, enquêter directement sur le web auprès des sites en vous faisant passer pour une étudiante, oui. Tout simplement. Voilà. Ce qui est intéressant aussi avec Internet, c'est quand il y a des violences, on peut les coincer aussi grâce à l'anonymat. Finalement, il y a des armes qui se retournent contre ceux qui les ont mis en place. Donc vous avez pris un pseudo, bien joué. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors donc du coup je me suis appelée Romanesca, j'ai pris un pseudo et puis sur ces sites vous pouvez choisir le genre d'homme que vous voulez, l'âge et aussi son patrimoine, combien il gagne. Donc évidemment j'ai mis le niveau assez haut je me suis fait passer pour une étudiante en école de journalisme évidemment et croyez-vous et en fait finalement des journalistes m'ont appelée, j'ai vu des confrères, j'ai vu des producteurs télé qu'on connaît tous et des hommes de pouvoir qu'on connaît également. Donc effectivement, j'avais 2 portables, donc j'ai changé aussi avec eux par SMS. Et au moment où il a fallu bien que j'y aille, suis allée au Café de l'Homme. J'ai rencontré un homme que je connaissais déjà parce que j'avais travaillé avec lui quand je dirigeais François. Et donc du coup, on était donc je savais qu'elle allait me reconnaître. Donc j'avais pris une table pas trop loin. Je m'étais bien arrangée. Je me suis dit je vais me faire griller. Et avec mon autre portable, donc le portable d'Emagen Romanesca, j'ai dit désolée, je peux pas venir, j'ai un empêchement. Et finalement, je le voyais, il était un peu déconfit comme ça, il regardait mon SMS, et je lui fais un petit coucou, et puis je lui demande si on peut prendre un verre. Donc évidemment, il m'accueille à sa table, j'étais seule, et quand je suis arrivée, je lui ai dit que je faisais une enquête, que je savais que Emagen, c'était moi, et finalement, il était un peu gêné, je lui ai dit, mais faut pas... J'imagine, oui. Donc on a négocié, donc je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi il s'inscrivait, parce que c'est plutôt un bel homme, c'est un homme très très aisé, il a une soixantaine, on va dire, alors qu'il y a plein de quadras qui sont célibataires, ça fait déjà 20 ans de différence. Je lui ai dit, mais pourquoi des gamines d'une vingtaine d'années? Finalement, il m'a raconté le pourquoi du comment. Et puis, j'ai pu avoir son témoignage, comme j'ai eu d'autres témoignages de d'autres hommes. Pardonnez-moi d'être très curieux, enfin, c'est aussi oui, bien mon sûr. Travail. Mais quand vous lui avez demandé pourquoi des jeunes, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, en fait, j'ai eu l'impression que, évidemment, on est parti dans une boutade, mais dit, une femme comme vous, la quadra, exigeante, chiante, je ne saurais pas... avec une jeune fille, on est tranquille. C'est-à-dire que ils ont l'impression d'être un peu philanthrope, Pygmalion avec une jeune fille. C'est vrai qu'avec une quadra, c'est différent. Mmh. Et finalement, ce sont tous des hommes, la plupart du temps, divorcés. Ce n'est pas des doubles vies. Tous ceux que j'ai rencontrés, ils étaient divorcés. Et finalement, ils achètent un peu les sentiments, la tranquillité et l'amour. C'est ça. Parce que qu'est-ce qui se passe entre ces jeunes filles et ces hommes? C'est-à-dire que c'est un CDD amoureux. On n'est pas dans des passes. Attention. Ces jeunes filles n'ont aucun attribut de call girl. Rien du tout. Ce sont des jeunes filles brillantes, toutes mignonnes. On leur donnerait même le bon Dieu sans confession, si vous voulez. Et ces hommes sont heureux d'être avec ces jeunes filles parce qu'elles sont brillantes. Ils peuvent les aider aussi pour faire des stages. Et puis finalement, quand l'histoire s'arrête, quand les jeunes filles ont terminé leurs études, elles restent en relation avec cet homme. C'est un Pygmalion, c'est un parrain. D'ailleurs, il y a une histoire où il y en a un qui est devenu le témoin de mariage de la jeune fille. Vous voyez, c'est une relation en fait. Il y a de la tendresse aussi. Oui, mais là vous nous racontez une histoire de princesse dans un monde qui n'est pas de princesse. C'est un monde. Alors c'est pour ça. C'est pour ça que moi je ne suis pas mère la pudeur, je suis pas donneuse de leçons et j'ai décidé de faire sans attendre. Rassurez-vous, voilà. Je vous pose juste la question. J'ai décidé de quand j'ai constaté parce que je reviens face à l'impuissance des associations, je me suis dit cette enquête était intéressante et si je veux être entendue et si je veux être invitée chez vous sur France Inter, il faut que j'interpelle par le ton. On est bien d'accord. Et donc, je vais faire un texte sans juger, sans tabou, et dire la vérité. Et c'est celle-ci, cette vérité, entre ces jeunes filles et ces garçons. Et c'est le livre, ça. Et c'est le livre, exactement. Le texte, c'est le livre. On va se retrouver dans 3 minutes. On n'a pas fini de faire le tour de cette question. On va écouter un disque. À tout à l'heure. Nadia Lebrun, on vient de parler de la psychologie de ces étudiantes ou ces jeunes femmes qui ont cédé aux sirènes de cette vie, on va dire, comment on peut dire, aidées par l'argent, oui. Par l'argent d'un homme, je ne vais pas dire subventionnées, mais aidées par l'argent d'un homme. On a vu leur psychologie et Quelle est la psychologie de ces hommes-là? On l'a vu un petit peu, mais je voudrais que vous continuiez sur le portrait psychologique d'un homme, vous dites, qui a un âge mûr, qui est en principe ou divorcé, ou veuf, ou célibataire. C'est pas une double vie, on en était là. Oui, exactement. Ce sont des hommes qui m'ont semblé un peu crédules, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont amoureux de ces jeunes filles. Ils les gâtent. C'est comme les courtisanes et les amants de 18e, ou avec les cocottes. C'est pour ça que vous avez appelé ce livre Les Nouvelles Courtisanes. C'est exactement les mêmes codes de séduction. Donc ils amènent en voyage, c'est des petites poupées, des petites princesses. Ils leur perdent leur loyer, toujours des appartements plutôt sympas à Paris. Ils les emmènent, ils leur font découvrir une vie à laquelle elles rêvent d'entrer. Parce que, en fait, finalement, pourquoi elles font ça? C'est parce qu'elles veulent se sortir de ce milieu social. C'est parce qu'elles ont cette détermination d'avoir une vie, une meilleure vie. Et après, d'aider leur famille. C'est ça l'idée. Et ces hommes leur permettent tout ça. Souvent, d'ailleurs, les hommes aussi aident les parents. Un parent est au chômage. J'ai déjà vu un sugar daddy qui a trouvé un travail à un père de famille ou à une mère de famille. Vous voyez, ils se sentent Pygmalion et ils déculpabilisent comme ça en aidant cette jeune fille et en aidant son entourage. Alors, est-ce que ça a débouché sur des cas de harcèlement sexuel, voire de viol? Oui, j'ai eu une histoire de harcèlement sexuel ou de viol. C'est une jeune fille qui est allée chez un sugar daddy et qui finalement lui a volé de l'argent. Ça s'est terminé au commissariat. Et puis donc, elle lui a dit qu'elle avait violé. Bon, en fait, ça s'est arrangé comme ça. Mais oui, il doit y en avoir d'histoires comme ça. Mais en tout cas, c'est la seule sur laquelle je suis tombée. Et pourtant, j'ai interviewé quand même une vingtaine de jeunes filles, une dizaine d'hommes. Quel regard vous portez sur tout cela? Vous avez dit, moi je ne suis pas une donneuse de leçons, je ne suis pas là pour faire la morale, et j'entends bien ce que vous dites, oui. parce que nous non plus on n'est pas là pour ça. Mais enfin, vous semblez porter un regard, comment dire, pas choqué en tout cas. Vous dites oui, ces messieurs là sont pas si mal. Non, je suis très claire. La monétisation du corps, c'est de la prostitution. Je suis très claire. Ouais, je suis très claire. Si j'ai fait ce livre aussi, c'est parce que j'aimerais interpeller et j'aimerais que ça change pour ces étudiantes là. Mais ces jeunes filles, en fait, au début, j'avais des préjugés comme tout le monde. La première que j'ai rencontrée, tout de suite, c'est pas j'étais agressive. Je dis mais tu peux pas travailler, d'accord, tu fais Sciences Po, mais qu'est-ce que tu fais avec un homme de 60 ans? Moi aussi, j'étais étudiante. Moi aussi, j'avais pour payer mes études à côté, je travaillais. Effectivement, mes parents m'aidaient, j'avais plus de moyens qu'elles, mais je gardais des enfants, je donnais des cours. Pourquoi tu le fais pas? Toutes ces questions, je leur ai posées à toutes. Mais si vous voulez, ces jeunes filles, au fil du temps, elles m'ont émue et elles m'ont touchée. Malgré la moralité, comme vous dites, mais c'est le plus vieux métier du monde. Et si on juge comme ça, si on leur tape dessus, je pense que ce serait pas bien pour. Ah non, mais il s'agit pas de leur taper dessus. Il s'agit peut-être de les aider. C'est-à-dire de toujours. Comment aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Attendez, aider à prendre conscience que le chemin que prend la jeune femme, il va peut-être avoir des dégâts psychologiques plus tard. C'est évident. Ça, c'est évident. On n'a pas le recul là-dessus. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que toutes ces jeunes filles que j'ai rencontrées, à 90%, elles ont toutes en commun d'avoir subi une violence psychologique par un homme plus âgé. Un père, un oncle, un ami de la famille. Vous voyez? Comme si l'homme plus âgé devait payer. Oui. Vous voyez? Alors, je suis pas psy, mais ça m'a interrogée quand même. Alors, que peuvent faire et que font les associations anti-prostitution comme l'ENI? C'était l'ENI ou le ACP, équipe d'action contre le proxénétisme, pour venir. Oui. Alors, en aide, on va dire oui, en aide. Ces jeunes femmes. Le problème, c'est que ces jeunes femmes, ces associations, elles ne sont pas visibles pour elles. C'est-à-dire, ça se fait sur Internet. Il n'y a pas de racolage, elles ne sont pas dans la rue. Tout est caché. Et donc personne n'en parle. Donc c'est très très difficile pour ces associations. Si les jeunes filles ne viennent pas à elles, qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est ça le problème des associations aujourd'hui. C'est Internet, effectivement. Ils sont flous juridiques. Nadia Lebrun, merci. Les Nouvelles Courtisanes, étudiantes, jeunes et jolies. Elles sont, trois petits points, et là on a le titre, Les Nouvelles Courtisanes, témoignage, chez Kero. Merci à vous. Venu nous apporter quelques éléments d'information sur cette thématique sociétale, comme on dit maintenant, intéressante. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Sugar Daddy, une fiction écrite par Leslie Menahem, réalisée par Sophie Haute-Picon et Al Nioro,